On the Rocks. C'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un d'être tout à fond, que je vous fais chier à laisser vos merdes. Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond, le rock c'est tout à fond. On the rocks. Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars. Wouh! Bonsoir, chers amis IES et amis IS de 2022. C'est On The Rocks, c'est le retour d'On The Rocks pour cette émission qui sent bon la nouvelle année. J'espère que le Père Noël a été généreux avec vous, il a été très généreux. J'ai reçu parmi mes cadeaux le livre de Paul McCartney où il se raconte à travers ses chansons, c'est une véritable petite merveille. Mais je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, je suis là pour vous diffuser une heure et demie de musique et je ne vais pas parler beaucoup ce soir, comme ça on aura le temps de s'en diffuser plein. On va commencer donc avec un premier morceau qui est sorti en 2021, forcément. Il y a un morceau de 2022 quand même ce soir, et tout le reste c'est des morceaux de 2021, mais des nouveautés toutes chaudes d'il y a quelques semaines. Et puis ce morceau qui est un petit peu plus ancien, mais qui date de 2021 aussi, et j'ai préparé mon émission dimanche matin, pour ne rien vous cacher, hier matin, Sunday morning, et je me suis dit, tiens, ça serait peut-être le moment de diffuser ce morceau. Donc voilà, on va se plonger dans l'année 2022 de façon cosy, tranquille, avec cette belle reprise du Velvet Underground et avec la voix d'un artiste qui nous manque pas mal et qui avait fait un petit coucou avec cette reprise en 2022. Vous êtes dans The Rocks, c'est de 19h à 20h30. Il y a du rock, mais pas que, il y a de la folk, mais pas que, mais il y a de la bonne musique. Et ça, il n'y en a que. Voici donc Sunday Morning, premier dimanche matin de l'année 2022. Ça fait à peu près ça. Watch out! The world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning. Sunday morning. Sunday morning. Speech when you break the news, the boy will respect you for your frankness, and honestly, he'll appreciate the kind of straightforward manner that you told him your decision, unless he's a real trooper. Spotless and clean. Wash it at least every 2 weeks. Once every 2 weeks. And if you see Johnny Football here with all, tell him you played a great game. Tell him you liked his article. I'm fucking you. I've got my own car. I'm fucking you. I'm never getting caught. I'm fucking you. I make football bets. I'm a teacher's pet. We'll la reprise d'On The Rocks pour commencer cette année 2022. D'abord, évidemment, vous l'avez reconnu, c'était la voix du chanteur de R.E.M., Michael Stipe, avec cette reprise magnifique du Sunday Morning. Bah oui, cette voix qui nous était si familière depuis l'arrêt de R.E.M., eh bien, il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent, en tout cas sous l'oreille. Et ça fait plaisir de rentendre Michael Stipe. Et puis, à l'instant, c'était évidemment le morceau populaire qui avait popularisé le groupe Nada Surf au tout début de sa carrière. C'était une reprise par Pom Pom Squad, ce groupe de Brooklyn, de New York, qui s'est composé autour de Mia Berin. Et sur ce morceau, sur cette reprise de Popular, il y a Matthew Cause, le chanteur de Nada Surf, qui vient faire les chœurs et qui joue la guitare. Les Nada Surf, je vous rappelle que nous retrouverons à Orléans, à l'Astrolabe, ce sera au mois de juin, en espérant qu'on pourra tous être debout pour ce concert de Nada Surf. Petite pensée à tous les gens de l'Astro, à Matthew en particulier, pour cette période encore un petit peu compliquée, mais ça va s'arranger, on y croit, puisqu'on était dans les reprises de 2021 et les belles reprises, en voici une assez magnifique. Je ne vous dis pas qui chante et je ne vous dis pas ce qu'elle chante, puisque c'est une fille, et vous allez reconnaître immédiatement, je pense, le morceau. Très très belle version. On commence avec des reprises, mais ça va vite aller dans les morceaux originaux et dans les nouveautés. ils se sont mis à trois pour composer et interpréter cette petite merveille que vous venez d'entendre dans The Rock. C'est une nouveauté. Moira Smiley, d'abord l'interprète principale de ce morceau, elle est américaine. Il y a également le musicien traditionnel irlandais Seamus Egan. Et puis, vous avez peut-être reconnu sa voix inimitable, c'était Pierce Faccini qui enrobait tout cela avec ce morceau qui s'appelait Meeting is Over. Et puis juste avant, c'était Fatoumata Diawara, évidemment, avec sa reprise de Blowing in the Wind de Bob Dylan. Toujours très très bien ce qu'elle fait Fatoumata Diawara, mais là cette reprise de Bob Dylan était enchanteresse. On revient à des nouveautés un petit peu plus nouvelles que ce morceau de Fatoumata Diawara dans The Rocks, et on va un petit peu hausser le ton maintenant avec un extrait du dernier Scud d'un groupe qui nous vient de Caroline du Nord, un groupe américain qui s'appelle Super Chunk, et le morceau c'est Endless Summer. Oh! Pour cette première émission de 2022. À l'instant, c'était Band of Horses. Vous les avez peut-être reconnus avec In Need of Repair. Toujours très très bien, ces Américains de Seattle. Et puis juste avant, c'était Superchunk avec Endless Summer, ce groupe de Caroline du Nord. On va continuer. Je ne vais pas beaucoup parler parce que j'ai beaucoup beaucoup de morceaux à vous faire écouter ce soir. Beaucoup de nouveautés. Je ne savais plus où donner de la tête. Voici un groupe qui s'appelle Creature Comfort, associé à Pod Songs avec Kudzu from Heaven. C'est une nouveauté aussi. Si c'est dans du rock, c'est vous dire si c'est bien. We'll be right back. to pick apart, to swallow him, to hold yourself. Who cares if both? It's all over. The words you told, the lights around. Who cares if both? Don't throw away the dreams we gave. We promised you another day. My friend's got a headache. Galus à l'instant dans The Rocks, encore une nouveauté avec Fruit Flies, ils sont écossais. Juste avant c'était Creature Comfort avec Kudzu From Heaven. On va continuer cette fois avec un groupe qui nous vient de Suède. Oui, la Suède a toujours été une nation rock'n'roll, figurez-vous, encore preuve en est ce soir, avec un extrait du dernier album de Jean Lady, Haven't Seen You Lately, groupe formé en 2011 mais qui officie toujours, ils ont bien raison. We'll be right back. get wild tonight, and I know just what'll help it. And it won't be very long till I'm feeling right, and I ain't got a care in the world. And there's a pretty little kitty all the way from Kansas City sipping on a hillbilly wine glass. Yeah, she shot me a wink, and she got me to thinking this is going real good, real fast. Hey! We're gonna have a party. Come on, come on, get it started. The whole damn town's invited. So beer up, party down, bring it on. No need to overthink it. Just get those bottles clanking. You know I wanna hear you sing it. So beer up, party down, bring it on. You gotta take a little break for goodness sake. Come on now, you deserve it. Scream at the top of your lungs, I wanna get me some. And grab these good time bottles. And look around for a minute. Wait, what? That's what I call living. Yeah, so live it up, about time you got in touch with your wild side. Oh, we're gonna have a party. Come on, come on, get it started. The whole damn town's invited. So beer up, party down, bring it on. No need to overthink it. Just get those bottles cranking. You know I wanna hear. Une chanson pour picoler entre copains. Le message est clair, le groupe s'appelle Neon Union, c'est fait pour boire des coups, et en particulier de la bière, ça s'appelle Beer Up, et voilà, c'est plutôt sympathique cette histoire. Et Jean Lady, c'était Jean là plutôt, Jean Lady avec Haven't Seen You Lately, juste avant. Et pendant que les gars de Neon Union boivent de la bière, fraîche on espère, les filles de Fraîche, elles, donnent des coups de pied dans la fourmilière. Encore une nouveauté, vous êtes dans The Rocks, voici le groupe, ou plutôt le duo londonien de Fraîche, avec le morceau Morgan & Joan. Ça date de un groupe qui date de 2015, mais qui vient de sortir ce morceau. That I could not give up. Avec le très court morceau de Fresh Down the Rock ce soir, c'était Morgan and Joanne, et juste à l'instant, c'était les Américains de Potty Mouse avec Got You. Maintenant, dans the Rock, je vous propose des gros poulets. Oui, oui, des gros poulets. Le groupe s'appelle Fat Cops. Fat Cops, Plan of Attack, c'est encore une nouveauté. C'est encore dans the Rock, et c'est encore très très bien cette histoire. Choose me, get up and use me. goes on too long. So I bought you a puppet doll. You said the canine is so c'est frais et que c'est bon tout ça. Il y a eu Fat Cops d'abord avec Plan of Attack et à l'instant, c'était Youngev. Alors Youngev, c'est le pseudo de quelqu'un qui s'appelle Ben Cook, qui n'est autre que le guitariste d'un groupe qui s'appelle Fucked Up. Et dans ce groupe Fucked Up, c'est plutôt du musclé, du rentre-dedans et ça rigole quand ça se pique. Eh bien Youngev en solo fait une musique beaucoup plus solaire, beaucoup plus estivale. Ça tombe bien, c'est l'hiver. Only Wanna See You Tonight, c'était tiré donc de son dernier disque. Et juste avant, c'était Fat Cops, à l'instant, je l'ai dit. Plan of Attack. Allez, on continue dans The Rocks encore avec des nouveautés. Ça s'appelle Weird Milk. C'est tout nouveau, tout chaud. Ils viennent de Londres. We Were Strangers, c'est le nom du morceau. Toujours là, Duduche. We'll be right back. C'était un morceau qui tourne pas mal sur ma platine depuis quelques semaines, on va dire. Assez addictif ce morceau. C'était Prima Queen avec Chew My Cheeks. C'est un duo de londonienne. Et puis juste avant, toujours à Londres, c'était Weird Milk avec... Qu'est-ce que je raconte ? Ici, c'est ça. Weird Milk avec We Were Strangers. On va continuer avec un morceau de Sun June, groupe d'Austin aux États-Unis. Le morceau s'appelle Easy. C'est encore une nouveauté. Décidément, c'est dingue. Vous êtes dans On The Rocks. C'est le 96.2 Radio Arc-en-Ciel. C'est www.ontherocks.net. C'est en rediffusion sur ZEF. Enfin, c'est un peu partout dans le monde et dans le cosmos. Et voici donc Sun June dans On The Rocks. Sure you Collaboration dans The Rock ce soir avec d'un côté à ma gauche Bahamas alias Afi Jurvanen qui nous vient du Canada. On s'est souvent diffusé des morceaux de Bahamas dans The Rock, associé cette fois à Madison Cunningham, voilà, une chanteuse de Los Angeles qui joue de la guitare depuis l'âge de 7 ans et qui l'accompagne sur ce Be My Witness. Et puis juste avant c'était Sun June avec Easy. Voilà un morceau que je me diffuse en boucle depuis quelques semaines. C'est un extrait de l'album Je pense à venir. Je crois qu'il n'y a pas d'album encore, mais il y a beaucoup de morceaux sorti de façon isolée de Big Thief, ce groupe totalement staccanoviste. Ils sont très très productifs, ils sortent un morceau toutes les 3 minutes. Eh bien, ce morceau Time Escaping est une véritable petite merveille, un petit miracle. Ça commence en tapant sur des tonneaux et en tapant sur des bambous et tout ce qui lui tombe sur la main, et ça devient une ritournelle absolument imparable. Voici Big Thief avec Time Escaping, et c'était un des grands moments de 2021. l'instant dans The Rock, c'était la toujours surprenante et toujours un peu cinglée Aldous Harding qui vient de sortir ce morceau Time Escaping. Si vous n'avez jamais vu Aldous Harding sur scène, eh bien courez-y la prochaine fois qu'elle passera, parce que c'est quand même une expérience en soi. Pour moi, c'est une des artistes les plus intéressantes de ces 10 dernières années. Et puis Big Sif, juste avant, avec un très très grand morceau de la fin de l'année 2021, c'était Time Escaping. Allez, un morceau de 2022, c'est maintenant, avec un très beau cadeau que m'a fait Rivka. Vous savez que cet artiste que je suis depuis bien longtemps maintenant dans The Rock, c'est bien, elle a composé un morceau sur son précédent album qui s'appelait Madeleine Riffo, en hommage à Madeleine Riffo, cette grande résistante et grande journaliste. Voilà, je vous conseille vraiment de vous plonger dans la vie de Madeleine Riffo, dans ses propos, dans sa vision du monde. C'est une très très grande dame, très âgée maintenant, et donc Madeleine Riffo ne comprenait rien aux paroles de cette chanson puisqu'elle était en anglais. Eh bien, Rivka a décidé d'en faire une version française pour l'envoyer justement à Madeleine Riffo. Eh bien, c'est cette version française qu'elle m'a fait le cadeau de m'envoyer, qu'elle a eu la gentillesse et l'élégance de m'envoyer hier dimanche. Eh bien, hop, ni une ni deux, je diffuse immédiatement. Alors, ça fait un peu étrange d'entendre Rivka chanter en français, mais en tout cas, eh bien voilà, ça vous permet d'avoir un petit aperçu de ce qu'est la grande personne de Madeleine Riffo. Merci beaucoup à Rivka pour ça. Et puisqu'on ça chante en français, ça chante en français encore juste derrière avec un bien beau morceau aussi. Entre mille, c'est M à l'instant. Je suis pas fan de tout ce qu'il a fait, mais alors ce morceau-là est bien beau. La route de soie, inspirée d'un film qui s'appelle Rosie, je crois. Et puis, juste avant, c'était La Grande Rivka avec Madeleine Riffo. On va terminer l'émission ce soir avec deux artistes monumentales déjà en solo, mais alors quand elles mêlent leur voix et leur art, ça devient vraiment stratosphérique. Elle s'appelle Birds on a Wire. C'est Rosemary Stanley, Demory Arti et Dom La Nena de Dom La Nena qui se joignent qui joignent leurs talents pour composer donc ce groupe Birds on a Wire. Ils seront en concert à Olivet. Ce sera demain soir à l'Alliage. Si vous ne les avez jamais vus sur scène, allez-y. C'est un pur moment de délice, pas très rock'n'roll, mais en tout cas magnifique. Il y a des reprises vraiment très variées dans leur répertoire, entièrement composées de reprises. Ça va des Beatles à Jacques Brel, ça va d'une musique traditionnelle bretonne à une musique traditionnelle brésilienne, de Gabriel Fauré à Pink Floyd. Et puis ça passe parfois par Leonard Cohen qui a donné le nom au groupe Birds on a Wire. Voici leur version de Who by Fire. C'est dans The Rock. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous laisse avec Rémi et la rédac du sport. Ciao, bye bye. Voici donc Birds on a Wire en concert demain soir 20h30 à l'Alliage à Olivet. Who in her lonely slip, who by Barbara? Shall I say?